Messieurs, on va attaquer le cours, on va attaquer cette première heure de l'émission. Je vous l'ai dit, donc avec notre invité du soir, c'est Didier Tolo. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je sais pas, Marc, c'est toi qui trifouille ton micro ? Non, c'est moi qui tape sur le bruit. Clavier, par contre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Géant d'analyse. Ok, j'ai des bruits bizarres dans les oreilles, mais c'est pas grave, ça va le faire. On va balayer plein de sujets. Didier, voilà, la carrière de joueur, d'entraîneur, votre vision de Bordeaux actuel, du foot actuel, enfin voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Si vous voulez poser une question à Didier Tolo, 05 56 35 31 31, on vous passera à l'antenne évidemment. Il y a également le chat pour poser vos questions, vous me les envoyez en message privé et je transmettrai évidemment directement à Didier. On va attaquer, messieurs, directement un petit, quand même, allez, pour les plus jeunes d'entre nous, enfin d'entre nous, pas nous ici, mais d'entre nous qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas encore Didier Tolo. Didier Tolo, c'est mine de rien une grande carrière, aussi bien en termes de longévité qu'en termes de matchs et de buts marqués. Commencé en 84 à Toulon, c'est ça ? De 84 ouais, ça, à 93. Ouais. Ensuite, un passage par Niort, Reims, Saint-Étienne, Martigues, Bordeaux, Sion. Non, il n'a pas été là-bas, c'est pas vrai. FC. Ce club, il n'existe pas. On a déjà parlé, hein. Ce club, il n'existe pas. Il n'a jamais existé dans l'histoire du foot. Et c'est comme, je ne sais plus quel club qu'on n'a pas joué. C'est Wassoul. Et trois saisons en Suisse, à Bâle, au Young Boys de Berne, et une dernière saison à VV Sport, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et une mettez juste, Cyril et Marc, mettez s'il vous plaît vos casques et dites-moi si vous entendez la même chose que moi, c'est assez insupportable. Et une carrière également d'entraîneur. Donc à VV Sport, le club, vous avez terminé en tant que joueur. Retour après à Sion, à Libourne, à Reims, Re-Sion, Châteauroux, Bastia et Re-Sion. Ouais. Sion, c'est je t'aime moi non plus. C'est... Ouais, j'ai un rapport qui est assez particulier avec le président. Voilà. Donc quand il est un peu dans la panade, il m'appelle. Voilà. Puis, voilà. Puis ça m'a permis aussi de construire un palmarès en tant qu'entraîneur en Suisse. Alors, mine de rien, j'essaie de compter un petit peu. La dernière saison à VV Sport, 42 matchs, 36 buts. C'est... Ouais, j'avais décidé d'arrêter ma carrière. C'est là où je me suis lancé dans la carrière d'entraîneur. Donc j'ai fait entraîneur-joueur pendant deux saisons. Et c'était en troisième division suisse. Donc quand on est entraîneur-joueur, vaut mieux être performant aussi sur le terrain. Donc. C'est un peu le... Ça peut être aussi un peu un entraîneur-joueur, ça peut être à double tranchant. Parce que justement, si on n'est pas performant sur le terrain... Ouais, mais on peut pas le faire longtemps. Moi, j'avais passé mes diplômes depuis un moment et je voulais commencer comme ça. Donc, ça m'a permis d'apprendre un peu le métier et de pouvoir jauger un peu en étant de l'intérieur. Alors, on va commencer par une première question sur voilà, aujourd'hui, maintenant, l'actualité de Didier Tolo. Qu'est-ce que en ce moment, on est plus sur une recherche, vous cherchez un club. Ouais, j'ai arrêté à Sion et j'ai pris le temps un petit peu de me poser. Voilà, je suis revenu dans la région parce que mes enfants sont ici et puis que j'ai un peu toute la famille ici. Donc voilà, et puis oui, je suis à la recherche sans être à la recherche à tout prix, quoi. Je veux trouver un challenge qui m'intéresse. Au niveau sportif, pour essayer de construire quelque chose et essayer de jouer, je veux dire, quelle que soit la catégorie, mais je ne veux pas descendre trop trop bas non plus, mais essayer de jouer le haut du tableau, essayer de pouvoir gagner des choses. Français, étranger, une préférence ? J'ai pas de préférence. Je crois que quand je suis parti finir ma carrière en Suisse et la commencer en tant qu'entraîneur là-bas, il y a eu des résultats. J'ai gagné deux coupes, on a fait l'Europa League. Donc si c'est pour aller le faire, je préférerais le faire en France, mais si je dois le faire à l'étranger, je partirai à l'étranger. Attendez 2-3 mois, je pense qu'à Lille, il y a peut-être un poste qui va se libérer d'ici pas longtemps. Ouais. Ça peut le faire. À Lyon aussi. Oh bah, tiens, en parlant de Lyon, il y a un match en direct, les enfants. Lyon-Monaco au bout de 17 minutes. Mariano Diaz a ouvert le score et c'est donc Lyon qui mène un but à 0. Mais là, il y a 2-1, mec. Ah bon ? Ah ouais, moi je suis sur l'équipe. Sérieux ? Et là, je vois 2-1, donc j'essaie juste de savoir qui c'est qui a marqué le deuxième. Bah écoute, moi je suis sur l'équipe et il y a 1-0 pour Lyon. Donc bref, on va dire qu'il y a 2-1. Vous dites que vous êtes à la recherche, est-ce que le nom du club peut est important ou est-ce que ça peut être un challenge d'un club qui monte, par exemple, une équipe montante, ou est-ce que, par exemple, un club comme Lens, ça pourrait être une solution aussi? Oui, mais c'est pas un club historique, je veux dire. Ouais, non, mais c'est pas la renommée finalement du club. C'est un projet sportif que j'ai envie. C'est voilà, je me suis aussi battu avec Châteauroux sans faire offense, mais pour le maintien avec peu de moyens et tout ça. Et quand on fait l'Europa League comme on a fait avec où il y a de l'engouement, j'ai envie de retrouver ça. Maintenant, il y a beaucoup de monde sur le marché en tant qu'entraîneur, donc voilà. Mais j'ai eu des opportunités que j'ai pas prises parce que je voyais pas l'intérêt que ce club-là pouvait m'apporter. Vous avez pris quand même des risques dans votre carrière d'entraîneur quand vous quittez Sion, que vous allez à Libourne. Mmh. Il y a quand même une différence de standing, clairement. Mais vous n'avez pas eu peur d'aller en national? Non, mais c'est le feeling qui m'apporte des choses. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma carrière. C'est-à-dire quand ça marchait pas, ben j'ai jamais trouvé de faux fuyants. Je pense que quand ça marche pas, il fallait voir ailleurs. Et puis vous pouvez tomber sur un club qui a les ambitions et qui vous propose un projet intéressant. Le plus important, moi je suis un privilégié, je fais de ma passion mon métier. Donc si c'est pour le pratiquer dans un endroit qui me plaît pas ou le pratiquer dans un endroit qui est peut-être moins huppé, mais où je vais prendre mon pied, ben ouais, j'irai là. Une expérience à l'étranger dans des championnats par exemple qui montent comme la Chine, comme les États-Unis, l'Australie, ça peut être des projets qui peuvent vous intéresser ou c'est vraiment trop loin? Non, pour non, je suis allé un projet où, voilà, pour faire un parallèle, parce qu'on va forcément parler de ça, on dit oui, la Chine, les Émirats arabes, les entraîneurs, ils y vont pour l'argent. Oui, c'est un paramètre, mais entre les Émirats et la Chine, je préfère nettement la Chine parce qu'il y a des spectateurs, parce qu'il y a des structures qui sont en train de se mettre en place, il y a un public, il y a un engouement. Aux Émirats arabes, vous jouez devant pas grand monde. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous êtes un coach qui construit, qui s'appuie sur la formation d'un club, qui va chercher à améliorer tout ce système de club, ou est-ce que vous êtes plutôt un coach qui préfère recruter, s'appuyer sur des réseaux Moi j'ai toujours, partout où je suis passé, j'ai pour l'habitude d'arriver et de vraiment regarder ce qui se fait en dessous et de donner la chance aux jeunes. Vous êtes un constructeur? Ouais, j'aime bien. Après, faire une équipe que des jeunes, je pense que c'est pas jouable. Il faut aussi une colonne vertébrale qui soit assez solide avec des gens d'expérience. Mais ouais, quand je bâtis mon équipe ou mon groupe, je regarde pas forcément la carte d'identité, non. D'accord. Parce que justement, pour en parler à Bordeaux, la dernière fois que vous êtes allé à Bastia, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez sorti un petit François Camano de Bastia. Oui, ouais, chaque entraîneur en sort un peu. Moi, ouais, il y a Camano à Bastia, il y a Valbuena qui jouait pas à Libourne. Après, il y a un jeune qui jouait pas aussi à Sion, qui est maintenant à West Ham, Emilson Fernandez. Voilà, il y a Claudio Beauvue qui jouait pas, que j'ai pris à Château. Oui, je crois que c'est intéressant. De sortir des jeunes, de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent réussir. Il faut trouver l'amalgame entre les deux. Est-ce que on a souvent le débat dans cette émission, on a reçu pas mal de jeunes, notamment de la CFA, des Girondins. Est-ce que justement quand on a ce passé de joueur et ce vécu en tant qu'entraîneur, on n'est pas des fois un petit peu, alors moi je dis un peu démoralisé ou un peu blasé de voir justement cette nouvelle génération qui arrive, qui moi des fois personnellement ont des comportements des fois complètement, que moi je trouve pas dignes de professionnels. Est-ce qu'on arrive justement des fois à essayer de cadrer ça au maximum, où on se dit c'est comme ça, c'est l'évolution, je parle voilà, on en parlait un petit peu en antenne, tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec les, voilà, les, tout ce qui se passe autour, les agents, les machins. Non, il faut absolument cadrer. Après, il faut aussi vivre avec son temps. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui est là et ça veut dire que vous ne pouvez pas fonctionner comme vous fonctionnez, comme nos entraîneurs fonctionnaient avec nous. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir une liberté. Il faut aussi, aujourd'hui, les téléphones portables, tout ça, ça doit être réduit. Ça doit pas être supprimé, donc il faut s'adapter, mais en aucun cas il faut sortir d'un cadre, en tout cas, parce que le cadre il est pas individuel, le cadre il est collectif quand on est entraîneur, c'est-à-dire qu'on met un cadre à son équipe, et c'est soit vous rentrez dans le cadre ou soit vous ne rentrez pas dans le cadre. Si vous rentrez pas dans le cadre, c'est que ça soit jeune ou ancien, vous vous excluez de ce cadre-là. Donc il faut pas à tout prix vouloir, parce que certains coachs des fois sont un peu comme ça, vouloir imposer leur entre guillemets leurs règles et leurs, je pense notamment à Bordeaux quand Willy Sagnol est arrivé, il a dit bah voilà maintenant boum on va manger ensemble tout le temps, on va faire ça comme non, ça, et puis c'est vite parti en vrille, parce qu'il y a des règles qui sont on peut pas les changer, être à l'heure dans n'importe quel boulot, on est à l'heure, être respectueux dans n'importe quel boulot, il faut être respectueux. Après il y a des évolutions par rapport au groupe que vous avez, il y a des groupes qui sont beaucoup plus responsables que d'autres, et là vous pouvez peut-être laisser un peu plus de liberté. Il y en a d'autres qui sont un peu moins responsables, donc je pense qu'un entraîneur il s'adapte. Moi ça m'a toujours fait un peu sourire de dire que quand un entraîneur il va dans un endroit, il a un style de jeu, il a une façon de jouer, oui on a tous ça. Mais dans votre effectif, quand vous arrivez, si vous me dites que vous voulez, ma philosophie personnel, c'est de jouer le contre, et que j'arrive et que j'ai pas un joueur qui va vite, je vais pas pouvoir jouer le contre, même si c'est ma... Donc il faut aussi s'adapter en fonction des joueurs. Donc des fois savoir renier un peu ses principes pour... C'est pas les renier, c'est avoir c'est définir des principes, mais en tenant compte de la qualité des joueurs que l'on a à disposition. Et tout en oui, vous l'avez dit, tout en tenant compte aussi évidemment de l'effectif qu'on a. Alors suivant la situation du club, des fois on arrive dans un club, le recrutement est déjà ficelé, donc ouais, c'est un peu compliqué de s'adapter. On ne fait pas forcément toujours avec ce qu'on aurait envie de faire avec les joueurs. Il y a peut-être même des fois, je ne sais pas si c'est arrivé, des joueurs qu'on n'a pas forcément envie de voilà, bon, Il y a des joueurs qui sont sous contrat, que vous n'allez pas forcément compter dessus, mais ils sont sous contrat, donc vous ne pouvez pas... voilà. Je pense que l'essentiel d'un entraîneur, c'est d'être assez juste avec tout le monde, que chacun en début de saison sache vraiment. Si vous ne comptez pas sur un joueur, ce n'est pas la peine de lui faire croire que peut-être qu'il va jouer, vous lui dites franchement, honnêtement. Mais après, il y a une façon de jouer au football. Il y a une façon d'évoluer au football. Quelle que soit l'équipe, je veux jouer au ballon. Je veux repartir derrière, je veux jouer en passe courte et je veux pas jouer de long ballon. Donc, mais on s'adapte aussi sur un bloc haut, sur un bloc bas, sur un pressing, sur un système de jeu, par rapport aussi aux joueurs que l'on a. Moi, j'ai une question sur la gestion d'effectifs. Aujourd'hui, les effectifs sont de plus en plus grands, il y a de plus en plus de joueurs à gérer. Comment on fait, quand on est entraîneur principal, pour faire de l'individuel dans un groupe étoffé ? Alors, est-ce que vous avez des sensibilités ? Par exemple, le poste d'attaquant, est-ce que c'est plus facile à gérer pour vous, puisque vous avez peut-être connu des situations... Je vais plus savoir comment réagit un attaquant, surtout quand il rate des occasions, quand peut-être sur deux ou trois points importants. J'avais un joueur, moi, qui est maintenant à Amiens, qui est Konaté, et à Sion, et je savais que quand il avait marqué, il arrêtait de jouer. Il a arrêté de jouer. Donc je l'ai vite senti. Donc quand il a marqué son premier but, quand j'ai été à Sion, je l'ai fait venir vers le banc. Je lui ai dit, maintenant si tu arrêtes de jouer, je te sors. T'as marqué, tu ne me sers plus à rien. Et bien il en a mis un deuxième, il en a mis un troisième. Donc il a compris qu'en continuant de jouer, il allait être plus prolifique. Et il est... Voilà, donc oui. Mais la gestion d'un groupe, je dirais qu'à la limite, ce qui est plus important au quotidien, c'est pas ceux qui jouent. Ceux qui jouent, ils sont en confiance, ils jouent, ils ont la confiance du coach, ils sont dans l'équipe. Ce qui est important, c'est ceux qui sont à côté. C'est ceux qui ont moins de temps de jeu, c'est ceux qui sont blessés. Parce que forcément, ces joueurs-là, à un moment donné, vous en aurez besoin. Et si vous en tenez pas compte, si vous les mettez à la cave, autant avoir un groupe de 18 ou de 17, ça suffit. Mais voilà, le dialogue, il est très important aujourd'hui dans le football. Et un dialogue, c'est pas une demi-heure avec un joueur, c'est peut-être en rentrant de l'entraînement, discuter 3 minutes avec un joueur, en prendre un autre le lendemain, voilà. Il faut être en permanence à l'écoute et attentif surtout. C'est le rôle de l'entraîneur principal ou c'est aussi le rôle de son staff aujourd'hui? C'est quoi la valeur d'un staff en entier, dans son entier? L'importance pour un entraîneur. Mais c'est très, très important aujourd'hui. Aujourd'hui, un assistant, un préparateur physique, ils ne sont pas là non plus que pour porter les plots. Et voilà, c'est très important. Un staff, c'est vraiment un staff. Il y a des rôles bien définis. Mais vous n'empêcherez pas un joueur de percevoir le message de l'entraîneur principal différent de celui de l'assistant ou du préparateur physique. C'est pas le même. Je veux dire, votre staff peut débroussailler le terrain avant vous. Vous passez des messages, être à l'écoute du groupe, parce que vous savez que vous, quand vous rentrez dans le vestiaire, il n'y a plus beaucoup de bruit, alors que quand c'est l'assistant ou le préparateur physique qui y rentre, ça parle, ça continue. Donc, c'est pas une balance, bien au contraire, mais c'est juste avoir des points de sensibilité. On va parler de sensibilité. Bordeaux, avant la trêve, perd 6-2 contre Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, votre vision en tant que coach, comment on arrive à gérer et à relancer un groupe après une telle défaite? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué à gérer? C'est pas facile à gérer parce que y a une trêve internationale et que c'est plus facile de rejouer 3 jours après. Là, c'est Paris. Bordeaux fait un bon début de saison. Je connais bien aussi Jocelyn et donc qui est aussi à l'écoute et qui est pas mal en discussion, donc je pense qu'il saura trouver les clés, mais il y a chacun un petit peu sa méthode, voilà. Est-ce que moi ça m'est arrivé d'en prendre 5 et de dire 3 jours après, ben voilà, les 11 mêmes sont sur le terrain, le même groupe est sur le terrain, maintenant prouvez-moi que c'était une erreur. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je vais prendre l'exemple à Liban, vous avez réussi quelques exploits. Notamment en Coupe de France, vous avez éliminé Lyon, il me semble. Ouais, c'était pas moi. Et vous aviez sorti aussi une Ligue 1, non? Oui, on avait sorti 3, je crois. D'accord. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un moment donné impulser quelque chose de plus à un groupe, aller chercher peut-être les 5-10%? Je pense qu'il faut avoir il y a un caractère, il y a une manière de peut-être amener ce groupe-là à être en confiance et le plus dur dans le management, mais c'est dans le management de toutes les entreprises, les grosses entreprises ou des clubs de football, c'est que le projet que vous avez en tête ou le désir ou le but que vous avez en tête, c'est de le faire passer au niveau des joueurs et que ça devienne le leur. Quelque part, c'est votre idée, c'est votre point de vue, mais ça devient le leur. Et à partir du moment où eux, ils se l'approprient, là, vous avez déjà fait un grand pas. Et donc, le caractère d'un entraîneur, ou ce qu'il véhicule comme message, a clairement un impact sur le groupe, au-delà de ses qualités de technicien. Bien sûr, j'en suis persuadé. Je prends juste un exemple. Après, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis de tous les coachs. Mais si vous faites une vidéo d'avant-match sur l'adversaire en montrant 15 points forts ou 20 points forts, vous mettez votre équipe en position de faiblesse, parce que cette équipe-là, moi, si je suis joueur, je ressors. Elle a pas de points faibles. Et je préfère insister, par contre, sur le fait de voilà, il y a 4 points faibles. Voilà, je montre les images. Là, on peut les. Là, voilà. Là, on sait comment on peut les prendre. On se met en position de supériorité. Donc oui, je pense que le langage il est important. Le langage avant le match, le langage dans la semaine, la façon de préparer le match, de l'aborder. Et c'est pas parce que vous allez faire un match en disant bon, on va défendre. Je prends un exemple. On a moins de qualité. Nous, quand on est venu jouer à Bordeaux, contre Bordeaux avec Sion, on savait qu'on avait moins de qualité technique. On savait qu'on était moins fort collectivement. Mais on savait que si on défendait très bien, Bordeaux aurait du mal. Et on savait qu'on avait un point fort, c'était les coups de pied arrêtés. À l'arrivée, tant mieux pour nous, ça nous réussit. Mais on gagne 1-0 à Bordeaux et sur un coup de pied arrêté. D'ailleurs, moi, j'ai une question sur... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes, nous supporters, sur l'équipe manque de caractère, l'entraîneur veut moins de caractère, l'entraîneur a besoin d'un joueur relais, tout ça. Aujourd'hui, comment vous voyez un groupe? Est-ce qu'il faut comment vous pouvez construire un groupe? Est-ce que vous écartez les joueurs à très fort caractère? Est-ce que vous arrivez à combiner avec? Il y a différentes façons. Il y a deux points de vue. Il y a un gros caractère et fouille merdeur. Non, mais fouille merde. Voilà, fouille merde, j'en veux pas. Ça, c'est clair. Gros caractère, oui. Parce que je pense qu'un gros caractère, un mec, même si à un moment donné, on doit aller au conflit avec lui, on doit être sans arrêt après lui, je pense que c'est aussi ces joueurs-là qui vous font gagner. Il y a rarement de très gros joueurs de talent qui n'ont pas de caractère. Donc il faut savoir par contre s'en servir. Un mixte entre les jeunes, les caractères, et puis il y a aussi aujourd'hui vous êtes pratiquement obligé de vous appuyer sur 3, 4, 5 cadres, mais il faut bien les choisir. Et bien les choisir, et surtout peut-être ils sont peut-être plus délicats à gérer, ces joueurs-là, que peut-être d'autres qui sont un petit peu dans un petit peu moins fort, et qui vont pas forcément chercher des fois un peu le clash. C'est toujours un problème d'ego. Voilà, après on en revient toujours à la même. Il y a un problème d'ego, mais moi personnellement, ça me gêne pas, parce que quand on a du caractère, on peut avoir du caractère, être en face de quelqu'un qui a du caractère et en avoir aussi, mais en étant juste dans ce qu'on dit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut surtout pas dans un groupe, c'est promettre des choses à quelqu'un, promettre et ne pas tenir. Vaut mieux ne rien dire, avancer, et voilà. Mais tenir compte vraiment de tout le monde, ça, c'est pour moi très important. Moi, j'ai une question. C'est une anecdote de votre carrière d'entraîneur. Bastia, ça a été la première fois que vous avez été tenu un rôle d'adjoint. Mm-hmm. De Claude Makélélé. Il y a quand même quelque chose de Claude Makélélé. Et moi, il y a quelque chose qui m'a, qui me force l'admiration. C'est vous êtes adjoint, ça se passe mal avec Claude Makélélé. On vous propose le poste et puis vous refusez. Aujourd'hui, dans le foot moderne, c'est quelque chose qui est complètement. Oui, mais bon, à l'arrivée, ça m'a pas forcément servi ou desservi, parce que finalement, les médias font la part des choses et disent bon, finalement, il a été viré autant que Claude. Non, moi, je me suis engagé avec Claude pendant 3 mois, où on a tout fait pendant 3 ou 4 mois ensemble. J'étais même plus qu'un adjoint, j'étais à un bis. Je faisais les séances d'entraînement, les causeries, enfin, je faisais pas mal de trucs. Dans la mesure où Claude était démis de ses fonctions, c'était aussi mon travail qui était remis en cause. Et je me voyais pas rester sans lui. On était arrivés ensemble, on est partis ensemble. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner. Ça, voilà, aujourd'hui, je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être un peu choquer, mais je pense que plus on est vicieux, plus on est un peu tordu, on va peut-être réussir plus vite ou plus haut. Mais j'ai été éduqué comme ça, je continuerai mon petit bout de chemin comme ça. On le ressent quand on est adjoint, parce que quand on est numéro 1, on le prend vraiment, enfin, si ça se passe mal. On prend tout ce qui est critique, que ce soit des médias, des supporters, des joueurs, des fois peut-être même en interne, on le prend vraiment pleine peau, pleine tronche directe. Quand on est adjoint, on le ressent de la même façon, parce qu'on est lié à son numéro 1, ou justement le fait d'être adjoint. Moi, je ne veux pas vous cacher, ça a été assez dur à gérer. Ça a été assez dur à gérer parce que j'ai toujours été numéro 1. Je n'ai jamais été adjoint. Et que j'arrivais, mon poste était un petit peu ambigu. Voilà, je faisais beaucoup de choses sans pouvoir dire beaucoup de choses finalement. Parce qu'à un moment donné, c'est le numéro 1 qui décide et qui part. Donc, je pense que je l'ai vécu de la même façon que Claude. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Ça vous a servi quand même dans votre expérience après Lyon? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu bâtir? Toutes les expériences font qu'on arrive à en tirer, même si elles sont négatives, en tirer du positif. Voilà, moi je sais qu'à Sion, quand je vois que ça va pas, on s'arrête. C'est-à-dire que je vais pas, j'ai pas envie de m'accrocher aux branches pour voilà. Donc, mais on en oui, il y a l'expérience du haut niveau de Claude, de discuter aussi de sa manière de fonctionner, comme il a en Angleterre, on a beaucoup discuté. Voilà, j'ai pris des choses. J'ai pas tout pris, mais j'en ai pris. D'ailleurs, je viens de remarquer, entraîneur de Sion 2003-2004, retour à Sion 2009-2010, re-retour à Sion 2014-2016. Donc si tout va bien, 2021-2022. Tous les 6 ans, un petit passage par Sion, un trophée, et on se met bien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est aussi valorisant. C'est valorisant et c'est aussi une prise de risque. Je veux dire, la première fois que j'y vais, en 2005, quand j'y vais, le club est dernier, prêt à descendre. On finit cinquième, on gagne la Coupe de Suisse. Donc on a un trophée devant 60 000 personnes et on peut jouer l'Europe. Donc avec un, je veux dire, avec une image très positive. On me rappelle, pareil, en 2013, c'est ça ? 2015. En 2015. Et le club est de nouveau dernier. Et on finit de nouveau cinquième et on regagne la coupe. Donc voilà, c'est aussi valorisant parce que ça veut dire qu'on est capable de renverser avec peu de choses. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de recrues, mais de changer les choses pour que ce club reparte parce qu'il a un potentiel, il a un public. Et puis, c'est très... Oui, Cyril, vas-y. C'est quelque chose qui est très méconnu en France, mais le football suisse, est-ce que c'est un football qui est suivi ? Est-ce qu'il y a du monde dans les stades ? Comment le comparer par rapport au football français ? Il y a des grosses ambiances en Suisse. Moi, je suis allé voir un Zurich Bayern Munich en Ligue des Champions. Oui, mais c'est un peu. Le football suisse est complètement mis sous l'été noir en France. On n'en parle pas. Alors que pour moi, il y a 3-4 équipes qui jouent largement en Ligue 1 là. Pour preuve, nous, on a éliminé Bordeaux, Saint-Étienne s'était fait éliminer par Bâle. Le public, les stades sont modernes maintenant. Voilà. L'ambiguïté, c'est qu'il n'y a que 10 équipes et qu'on joue 4 fois contre le même adversaire. Ouais, on en parlait hors antenne. C'est un peu comme je crois que c'est en Écosse aussi où ils font ça, puisqu'il n'y a qu'une dizaine d'équipes. On en parlait hors antenne. C'est un peu l'inconvénient de ce championnat, c'est voilà, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs, se jouer 4 fois à la même équipe sans parler des coupes. Oui. Parce que ça peut monter à 5-6 s'il y a les coupes. Ouais. C'est peut-être un petit peu redondant tout le temps de bon les gars, on va jouer pour la 6e fois. Ouais, je pense que dans l'esprit des joueurs aussi c'est voilà, c'est le même stade, c'est les mêmes ambiances, voilà, c'est bien de changer. Comment on arrive à créer une crainte, mais quand on est à domicile, on sait très bien que le psychologique joue énormément, il faut avoir ce sentiment de domination par rapport à l'adversaire, comment on arrive à créer ça quand on joue plusieurs fois l'adversaire à domicile et que finalement il y a une adaptation, il y a un peu les résultats, hein. C'est les résultats qui font que voilà, après c'est aussi par rapport à l'effectif que vous avez, quoi. Donc, mais aujourd'hui on sait qu'un championnat réussi, c'est un championnat réussi à la maison. Je veux dire, si vous faites des résultats à la maison et que vous en faites un peu à l'extérieur, vous faites un championnat réussi. Donc, il faut se servir de ce psychologique, arriver à donner à vos joueurs que c'est votre maison, c'est votre jardin et que, je sais pas, votre maison, vous l'ouvrez à tout le monde, vous ? Ah ben non, justement. Voilà. Donc, moi, quand c'est chez moi, c'est chez moi, c'est fermé. Vraiment... Donc, j'évite qu'il y ait des mecs qui rentrent dedans. C'est quelque chose que j'ai très, très mal vécu, justement, à l'époque, il y a 2 ans à Bordeaux, quand tout le monde venait nous marcher dessus à domicile. C'était vraiment quelque chose qui était intolérable pour un supporter. Ouais, mais j'imagine que ça doit être quelque chose de très, très difficile à vivre, de ne pas arriver à être maître chez soi. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que il faut... Ça devient de moins en moins quand même présent dans la tête des joueurs, je trouve. Que cette importance de jouer à la maison devant son public et de faire des résultats là devant son public parce que maintenant les joueurs viennent de tellement de différents endroits, sont pas un club de cœur, on pas vraiment, voilà, il y devient un peu délicat, mais il faut arriver à leur... Vous, le joueur de caractère qui a fait, est-ce que vous arrivez à comprendre ça? C'est-à-dire, les notions de derby, les notions ben, justement de domicile, on ne le ressent pas vraiment chez les joueurs, notamment nous à Bordeaux. Bon, ben, vous le savez, il y a Bordeaux-Marseille qui est un match très important. Mais pas que. Mais c'est un match où on se sent obligé d'aller répéter aux joueurs. C'est la notion de cette importance-là. Parce que sinon, on n'a pas la sensation. Il faut se servir. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient plus. C'est pas fait naturellement. Il faut se servir de levier pour y arriver justement. Et se servir peut-être des supporters, se servir de différents leviers pour que. Mais ça devient de moins en moins naturel. C'est ça. C'est ce que disait Cyril. C'est ça qu'on déplore des fois un petit peu, cette espèce de pas de culture club, mais de voilà. Il y a les joueurs natifs du club qui sont formés au club et qui font X. Comme bah, à l'époque, il y avait Lisa, il y avait Grenet, il y avait Franck Istiol, récemment, il y avait... Enfin voilà, il y a toujours eu récemment et encore eu Marc Planus. C'est vrai que cette année, il y en a peut-être un peu moins. Mais en même temps, tu me diras, ils ont tous dégagé depuis deux ans, ils sont tous partis. Mais est-ce que justement, quand on arrive dans un club, mais pareil quand peut-être à Sion, ça devait être le cas, où voilà, on arrive de l'extérieur, on est étranger, on est français, on tombe sur des gars qui ont deux, trois mecs de vestiaire qui ont justement cette culture du club. Alors je ne sais pas qui est l'ennemi fratricide du FC Sion en Suisse, mais je ne sais pas si c'est Bâle ou si c'est Zurich ou si ouais, c'est voilà. c'est les Suisses allemands. Et on explique justement aux nouveaux arrivants, est-ce qu'on explique de dire ben voilà les gars, ici voilà c'est Sion et il y a tel match dans l'année, on inculque un peu l'histoire du club, le passé ou... Ou si le joueur a pas envie de s'y intéresser, bah, bon, non, bah, je pense pas qu'il faut. Je suis pas sûr que l'histoire du club aujourd'hui les intéresse vraiment. C'est simplement pas faire passer des messages, mais que le message il est. C'est ce que je viens de dire avant. Le message il est prioritaire déjà. Ça veut dire que on veut faire une bonne saison. Ça passe par des résultats à domicile. Et vous savez que si vous faites des résultats à domicile, plus il va y avoir public, plus vous allez jouer devant une atmosphère qui sera. Je veux dire, mais propice aux résultats et moi ça m'a toujours fait sourire de dire que bah oui mais on va avoir la pression mais putain quel bonheur de jouer donc devant 30 000 ou 40 000. Vous voulez faire quoi? Si vous avez envie de jouer devant 10 000, ben vous allez jouer ailleurs. Mais voilà, donc c'est pas une pression. Au contraire, faites tout pour qu'on puisse jouer à guichet fermé finalement tous les matchs. Parce que aujourd'hui, c'est de jouer pour soi, c'est de jouer aussi parce que. Je veux dire, vous avez quand même. C'est quelque chose d'hallucinant. Moi, je me rappelle quand au Milan, j'y étais. C'était électrique. C'était. Je crois que j'ai jamais vécu ça. Mais c'est quelque chose. Je peux. Alors, j'étais pas sur le terrain, mais vous sur le terrain. Mais sur le terrain, je pense qu'il y a rarement. Il n'y a pas un autre événement. Il n'y a pas même dans la vie de tous les jours où vous avez autant d'émotions. C'est pas possible. C'est quelque chose qui, vous avez l'impression de sortir de votre corps, mais c'est presque ça, parce que c'est un truc de fou. Parce que quand tu marques contre Milan AC, ouais. le stade les 10 minutes, on va en reparler. Il y avait un petit passage décolle, sur ça. C'est 3-4 secondes, on ressent quoi? Alors moi, c'est assez particulier, parce que moi je viens à Bordeaux pour finalement intégrer un petit peu, c'est ma dernière chance pour intégrer, j'ai un message d'Aimé Jacquet pour intégrer l'équipe de France et l'Euro en Angleterre. Il me fait comprendre qu'à Martigues, c'est pas un gros club, donc je viens. Après l'Intertoto, je mets 5-6 buts en Intertoto en 7 matchs, et malheureusement j'ai un accident de voiture, j'ai un mec qui me brûle le feu rouge un 31 août, et je sors avec... la hanche cassée, le genou, et je suis pas sûr de rejouer au football, enfin voilà, on va passer. Et je reviens un mois avant Milan. Donc pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Ah ouais, ça peut être que le meilleur souvenir de ma carrière. Mais moi, j'ai vécu le match, je l'ai revu, d'ailleurs c'est dans notre jingle, mais c'est quelque chose... C'est moi j'y étais, Bordeaux, c'était le stade, il était en folie. Mais j'ai un autre, pourtant les émotions c'est aussi ça, parce que moi j'ai un autre souvenir, c'est que après m'être battu pour revenir, et je reviens, je crois que c'est Guingamp, à la maison, et je suis sur le banc et je me lève, le stade se lève. Voilà, et ça aussi c'est quelque chose, parce que c'est, y a, là il n'y avait pas eu de grands exploits sportifs, mais voilà, on avait suivi le fait que je puisse peut-être pas rejouer, j'ai rejoué, voilà, et je m'étais battu contre ça, et aussi ça c'est un moment... Moi j'ai toujours eu une communion un peu avec le public parce que on en parlait pas donc non mais parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont de grosses qualités et qui se laissent aller, qui passeront jamais, et d'autres qui ont de pas forcément de grosses qualités au départ mais qui ont un gros tempérament. C'est pour ça qu'aussi il faut aller voir les jeunes, parce qu'un jeune, ben on peut, même si on voit qu'il est très volontaire, on peut travailler dessus, on peut l'amener où finalement je suis allé. Oui, Marc. Non, mais après, non. C'est important parce que vous trichiez pas sur le terrain, ça se ressentait, et du coup, ben, y avait une communion, et voilà. Bon, mais on va faire quand même, parce que j'avais quand même un petit passage prévu. La question, c'était, est-ce qu'il n'en a pas marre qu'on lui parle de son but contre Milan en 96, alors que je l'ai marqué une présenté. Trentaine. Voilà. J'ai pas fait le il y a une question, mais a, je sais pas dans si la carte joueur, c'est quand même plus de 100 buts en pro. C'est quand même pas, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien dans la carte d'un joueur. Un but tous les 3 matchs, je crois, à Bordeaux. Bordeaux, c'est ça. C'est un but tous les 3 matchs. Pareil à Martigues aussi. C'est quasiment les mêmes matchs et le même nombre de buts. Vous êtes passé récemment à l'after pour justement la RMC pour revenir sur ça. Est-ce que c'est pas des fois un peu énervant d'être toujours... Alors évidemment, nous supporters bordelais, on sait très bien qu'il n'y a pas que Bordeaux-Milan et qu'il y a eu d'autres choses, mais est-ce que c'est pas des fois un peu frustrant de dire quand même les gars, bon ok Milan, ok, on a marqué l'histoire du foot, mais il a quand même fait d'autres trucs derrière. Oui et non. D'un autre côté, je l'ai dit l'autre jour aussi à la Terre, c'est que c'est certainement le plus pourri que j'ai marqué. Dugarry, là, Dugarry, là, va pas rentrer. Christophe Dugarry, là, gentiment fait remarquer en chambrant. Même si je pense qu'un attaquant, il y a but. Et d'un autre côté, non, parce que je suis assez fier de faire partie de cette génération qui a fait lever ce stade-là à ce moment-là. Et puis qui a marqué, mine de rien, l'histoire du foot français. Pour parler de cette épopée, je marque un but en gagnant 0 en demi-finale contre le Slavia de Prague. Et c'est là où je voulais en venir justement. Voilà, et qui est un but complètement différent où je pars du milieu de terrain. Voilà. Et parce que celui-là, il est quand même. Certes, celui de Milan est important parce qu'il lance cette remontée, mais celui de la demi-finale. Non seulement il t'amène en finale derrière contre le Bayern, mais on me parle jamais de celui-là. Et pourtant en termes de qualité, en termes peut-être de qualification, voilà, il est tout aussi important que celui-là. Participe à un exploit, à quelque chose qui n'était pas prévu. Voilà. Milan, c'est pour le remettre à l'époque, c'est le Barcelone d'aujourd'hui, c'est le Real d'aujourd'hui. C'est, le Barça, hein. c'est quelque chose dans la vision des gens. Je m'en souviens, mais c'était. On reprend l'équipe de l'époque, voilà. Ça fait flipper quand même. Mais par contre, quand on regarde avec un retour sur la carrière après du Slavia. À l'époque, il y avait Karel Boborski, il y avait Vladimir Smisar, il y avait quand même une sacrée génération au Slavia de Prague, et ça a été une sacrée équipe. Et il me semble qu'on gagnait 1-0 là-bas. Et on gagnait 1-0 1-0 à la maison, donc ça a été quand même très, très compliqué. Surtout dans une saison qui était compliquée en plus. Oui. On finit mal. D'ailleurs, ça c'est une question que j'ai. Vous commencez avec Slavo Muslin. Et vous finissez la saison avec Garnot Rohr. On parle souvent de Garnot Rohr parce que c'est lui qui fait l'épopée avec. Mais l'importance de Slavo Muslin, qui vient d'ailleurs de se qualifier avec la Bosnie en tant que sélectionneur bosniaque. Pour la Coupe du Monde pour la Coupe du Monde. Cool. Mais il ne faut surtout pas l'enlever, Slavio. Est-ce que c'était quelque chose de justifié, même si ce n'est jamais vraiment justifié, un départ de coach, mais comment ça a été ressenti à l'époque dans le vestiaire? Pas forcément très bien. Non, pas forcément très bien, parce que Slavio était quelqu'un qui était très apprécié des joueurs. Mais voilà, après... Staff Leloup qui était... Ouais, je sais pas exactement comment ça s'est dépassé, mais voilà. En parenthèse, je profite alors, de là, parce qu'il fait partie de celui aussi, voilà, je lève les yeux un petit peu pour que ça aille mieux pour Philippe Lucas. On allait en parler un petit mot pour Philippe Lucas qui a été victime d'un petit d'un AVC, donc on va évidemment lui souhaiter de s'en remettre assez rapidement pour le retrouver rapidement sur le banc de la réserve. penser à sa famille et tout. Évidemment. Comment on peut expliquer sur une saison que on en parlait tout à l'heure, on disait les équipes, le joueur ne rentre pas forcément sur la pelouse sans être motivé ou etc. Comment on peut expliquer une Coupe d'Europe aboutie, voire plus que aboutie. Ça aurait été mieux avec la coupe à la fin, mais bon, c'est pas grave. Et une saison où on est 16e. Enfin, on a l'impression que c'est pas compatible. On peut pas être en haut en Europe et en bas en championnat, alors que toutes les équipes de championnat sont sûrement plus simples à jouer que toutes les équipes d'Europe. Bon, aujourd'hui, on dit que l'Europa League on laisse des forces. L'Intertoto, c'était pire. Parce que c'était l'Intertoto à poule. Donc il a fallu faire les poules, il a fallu sortir. Donc, et puis c'était pas l'Allemagne ou l'Italie, l'adversaire. On a fait un mois d'août, un mois de voilà, où finalement, je pense qu'on s'est un peu cramé. On a eu pas mal de blessés, on a joué tous les trois jours, on n'avait pas un effectif pléthorique. Et puis, aujourd'hui, on a vite vu qu'on n'était pas capable de jouer les places européennes en haut, on était dans le ventre mou du championnat pendant très longtemps, et l'accent, même involontairement, il a été mis sur la Coupe d'Europe, parce que c'était quelque chose qu'on était allé chercher, qui était inespéré, que toutes les équipes étaient qualifiées, elles étaient éliminées, il n'y avait plus qu'un peu nous et Paris, donc on a vraiment mis l'action. Est-ce qu'on a involontairement, psychologiquement lâcher un peu le championnat, certainement, et qu'il a fallu remettre un coup de collier à la fin pour pouvoir se sauver, mais ouais, très certainement. Et puis aussi, voilà, il y a au bout d'un moment, on en parlait en antenne, on se prend aussi au truc de dire, oh les gars, on s'est farci 25 matchs depuis le début juillet, à un moment donné c'est pas pour se faire sortir. Le seul regret que j'ai sur ça, c'est qu'il y ait, et je l'aurai tout le temps, de l'aller-retour en finale. Non, c'est qu'il n'y ait pas une finale en un match. Ouais. Moi, ça, parce que pour moi, une finale, ça se joue en un match. Elle se joue pas en aller-retour. Ça a toujours été mon grand. C'était joué sur un match. Il y a surtout la non-sanction de Kostadinov qui bousille Dizarazu d'entrée sur le premier match. Oui, et puis moi, j'ai une action au Bayern où je pars tout seul, je récupère un ballon, je pars tout seul, je veux la glisser entre les jambes de Kane, il l'arrête avec le cul, quoi, finalement. Et il y a relance, corner, but pour le Bayern. Donc entre 1-0 et 0-1, il y a une différence. Et puis attention, on parlait. Mais on m'en parle jamais, tu vois, donc ça va. On parlait de Milan, qui est l'équivalent du Barça ou du Real, mais le Bayern, et je me rappelle, et Cyril aussi, parce qu'on avait 13 ans, enfin moi j'avais 12 ans, 13 ans, on se rappelle, le Bayern aussi de l'époque, j'ai la liste sous les yeux, les enfants, ça picote. Papin, Matthäus, Klinsmann, Mehmet Scholl, un de mes idoles, Mehmet Scholl. Il était jeune. Dietmar Hamann, Ziege derrière, Babel, Kahn dans les putes. Ouais. C'est comme si voilà actuellement on se prend le Barça en quart et le Real. Oui, en et puis on va jouer sans Zidane et sans Dugarry au match aller. Hein. Grand regret. Enfin, Elisa qui se blesse d'entrée. Elisa qui se fait péter par Kostadinov d'entrée et ce fameux match aller aussi. On se dit, on va pas refaire le monde, mais et si ils avaient été là, peut-être ça aurait pas changé. On ne sait pas. Mais cette épopée, elle commence pas au Betis Séville. Avec ce geste fabuleux de Zidane, où ça commence dès l'Intertoto. Ouais, dès l'Intertoto. Dès l'Intertoto, parce que moi je joue l'Intertoto et après je joue plus, puis finalement parce que je suis sur le bord de la touche. Mais on sentait déjà à l'Intertoto. C'est pris au jeu. Voilà. J'ai une image à l'Intertoto, à Lillestrøm, j'en parle parce que j'y étais, je me souviens d'une guéguette à l'époque, on appelait ça comme ça, et même ballon, il est aveuglé par le projecteur et puis il se met le ballon dans les cages. Exact, c'est vrai. Laetitia avait fait la même quelques années plus tard avec l'équipe de France. Non, pas Laetitia, c'est Sébastien Frey. Ce qui est fabuleux, c'est que Gaëtan Huard vit une saison, il me semble, assez compliquée de souvenir. Oui, mais il nous sauve contre Ouéa. Il nous fait l'arrêt contre Ouéa. L'arrêt de sa vie, quoi. Ouais. C'est cette saison où il se prend un poteau. Je sais pas, cette saison à Sochaux, il sort un arrêt, il se tape la tête sur le poteau et il perd. Je me souviens plus. Je sais pas si c'est cette. J'ai un souvenir de ça, mais j'étais petit, donc je sais plus. Je sais que Gaëtan Huard, il a eu cette année-là, cette saison-là, il a eu pas mal de péripéties. C'est rare à Bordeaux, on a rarement retrouvé, à part et encore même en 2009, je pense pas que c'était à ce point-là. une équipe où justement, ben, alors après, ça c'est de l'extérieur. Nous, on n'était pas à l'intérieur du groupe, donc on ne sait pas comment ça se passait, mais on en parlait tout à l'heure. Dans une équipe, c'est comme au travail, on ne travaille pas toujours avec des gens qu'on apprécie ou avec des gens qu'on aime bien, mais voilà, on est au boulot, donc on fait le boulot, et il y avait vraiment cette sensation ben, que cette équipe-là, justement, c'était plus... Il y avait plus d'affect que de comment dire, que ouais, c'était pas juste du boulot des mecs non, qui non, viennent. Non, il y avait beaucoup d'affect. C'était un groupe qui vivait super bien. Voilà, je veux dire, on allait se préparer au Cap Ferret avant Milan. Voilà, on s'est pas pris la tête, mais oui, c'était un groupe qui vivait vraiment bien. Et en plus, c'était le moment où il y avait 2-3 joueurs qui ont pris leur envol. Parce que Zidane part après, Duga part après, Lisa part après, Vichke repart. C'est d'ailleurs, vous avez connu la pire intersaison de l'histoire. Ah bah, avec à part Grenet, de... tout le monde est parti. Ouais. Mais c'est le départ d'Aflou qui ouais. fait, je crois qu'on fait, ben, que Roland Courbis arrive quand même un peu comme un pompier. Je crois qu'il y a 17 départs, oui. 17 arrivées. Mmh. Et ça a été... Quand on est joueur d'un effectif, qu'on vit ça de l'intérieur, un changement de propriétaire avec un sentiment que tout se casse. Moi, je suis parti aussi. C'était cette saison-là. Non, mais moi, je pars. Parce qu'il y avait plein de remue-ménage et je vais normalement, je dois aller à Caen. Et au dernier moment, c'est Monsieur Lange qui vient me dire non, on te laisse, tu pars plus. Parce que j'avais des souvenirs de Didier avec le maillot bleu marine, avec le scapulaire blanc. Ouais, et il joue avec Jean-Pierre Papin. Et on fait une finale de Coupe de la Ligue qu'on perd contre Strasbourg. Contre Strasbourg au pénalty. Et l'année d'après contre Paris. Avec un pénalty de Kabadiawara qui tue un supporter. Et c'est Stéphane Dalmat et comment s'appelait-il son collègue? Il y avait Dacour à Strasbourg. Olivier Dacour. C'est Olivier Dacour et Stéphane Dalmat. Ils avaient une grosse équipe aussi. Mais c'est clair que comment on vit ça est-ce qu'on n'a pas le sentiment que tout s'échappe tout d'un coup de voir autant de départs? Parce que ok, Zidane, Dugarry, Lizarazu, c'était peut-être très dur de les garder. Vichke, c'est l'Ajax qui le récupère, c'est le club de son pays. C'était déjà un miracle qu'on le recrute de Barcelone. Aujourd'hui, c'est inespéré de recruter un joueur de Barcelone. Bon. Donc clairement. Mais après, de voir tous ces départs. Parce que c'était beaucoup de guerriers, de souvenirs. Ben, Philippe Lucas, c'est sa dernière saison. Oui. Il me semble qu'il y allait Laurent Crossi, tout ça. Oui. Il y avait quand même beaucoup de joueurs valeureux, Dogon, tout ça. C'était quand même des joueurs de devoir. Comment on arrive à reconstruire un groupe et à se remettre dans un projet? L'importance du coach, peut-être, Courbis? Ouais, il y a Roland qui arrive. Il y a... Voilà. Puis après, vous êtes joueur. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont partis. Vous avez peut-être envie de partir. Et il faut se remettre au boulot. Et puis, voilà. Vous n'avez pas forcément d'état d'âme à avoir. Si vous voulez être performant, il faut vous remettre au boulot parce qu'il faut avancer. Après, ce n'est pas évident de reconstruire quelque chose. Mais ça, la saison avait été plutôt bonne. Oui, parce que... Quand on a envie de partir, avec l'éclosion du beau. Parce que... On voit de plus en plus de joueurs aujourd'hui dans le foot moderne, entre guillemets. L'ancien canet, justement, qui vont au bras de fer avec leur coach, leur club, pour absolument partir. Il y a eu Dembélé récemment, il y a eu plein. Voilà. Comment on gère ce moment où on est bloqué, où on te dit, bah non, tu restes. Parce qu'il y a vouloir partir, parce que voilà, on n'est pas contre l'idée de partir. Il y a vouloir partir et ne voir que cette solution, quoi. C'est assez ça a beaucoup changé déjà. Avant, je pense qu'il y avait autant de joueurs qui avaient envie de partir et qui ne partaient pas. Après, c'est toujours il faut pas toujours voir le côté négatif. Non, il faut pas toujours voir la chose que dans un sens. Quand vous êtes joueur et que vous signez 3 ans, vous êtes bien content d'avoir les 3 ans, vous n'êtes pas sûr de réussir une autre saison. Si vous ne faites pas une bonne saison, le club va vous payer quand même. Et si tu fais une très bonne saison, tu vas prendre en otage ton club pour partir. Moi, c'est des valeurs que je ne comprends pas trop. Moi, et qui sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui. Mais après, il faut bien se rendre à l'évidence que si un joueur il veut partir aujourd'hui, il mettra tout en œuvre pour partir et quelque part, il ne laisse pas forcément le choix au club. Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire « je ne peux pas retenir un joueur qui n'a pas envie de rester ». Le comportement d'un Thauvin qui fait son sketch pour aller de Bastia, qui part à Lille, qui ne fait même pas un entraînement, qui se barre à Marseille. Et il y en a eu plein, hein, du Thauvin, mais il y en a eu plein. Il y a eu Dembélé, enfin, il y en a un paquet. Moi, ça, aujourd'hui, je me dis, mais comment un coach, si demain ça vous arrive avec un joueur, je ne sais pas si c'est peut-être déjà arrivé, mais moi, je le viens. Enfin, comment on fait pour ne pas vraiment s'énerver? C'est très compliqué. Je veux dire, ça passe aussi par le dialogue, ça passe aussi par donner des convictions. Je pense qu'aujourd'hui, Jocelyn a réussi aussi peut-être à garder Malcolm. Je pense qu'il avait des propositions. Voilà. Il est aussi tombé, je pense, sur un joueur intelligent qui a peut-être su que c'était peut-être pas son heure et qu'il fallait peut-être faire encore une saison pleine pour peut-être en profiter l'année d'après. Mais c'est quelque chose qui est difficile à gérer, mais qui est gérable. On va revenir un petit peu sur votre carrière rapidement. Vous avez connu Clairefontaine, mais l'INF Vichy. Mm-hmm. Aujourd'hui, la vision de la formation, comment ça se passe par rapport à ce que vous avez connu? C'était quand même le plus grand centre de formation français pendant très longtemps. Il me semble que c'est Clairefontaine qui a repris le relais ou pas derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, qui a dispatché, mais non, un peu dans chaque. Donc, du coup, votre vision, vous, de la formation française, comment vous la trouvez déjà? Moi, je pense qu'elle a pris un virage. Elle a pris un virage qui était nécessaire aujourd'hui, que le gabarit, avoir des joueurs puissants, des joueurs n'était pas forcément un gage de réussite. Et qu'aujourd'hui, le fait de repartir sur des gabarits qui sont... je dirais qu'ils ne sont pas uniformes, mais qu'on laisse un peu le talent s'effectuer, le talent sortir avec le ballon, surtout. Et que le football, malheureusement, il se joue avec ballon. Donc voilà, on n'aura pas la même formation que l'Espagne, mais je pense qu'on peut avoir un mixte entre ce que fait... fait une très bonne formation française quand même, je veux dire. Et c'est quand même, enfin moi ce qui me interloque, c'est de savoir que l'Allemagne a pas tout pompé, mais a beaucoup pompé sur la France, notamment après leur Coupe du Monde en 2006, il me semble. Oui. Et qu'aujourd'hui on voit le football allemand être au top, et nous avoir du mal. Alors maintenant on voit cette nouvelle génération arriver, mais avoir connu ce creux là, c'est quand même quelque chose d'assez incompréhensible. Parce que justement cette nouvelle génération elle arrive parce qu'il y a eu un nouveau virage qui a été pris, qui n'était pas forcément voilà. Peut-être que le football évolue aussi, donc on a été des précurseurs. Je pense qu'on est un des pays qui forme le mieux. Je crois que c'est le pays. Voilà, qui... le mieux les joueurs, mais voilà. Aujourd'hui, avant, il y avait une formation disséquée avec le physique. Là, maintenant, on arrive à faire une formation intégrée, c'est-à-dire que courir, amener un joueur à être bien physiquement, très bien physiquement, c'est pas forcément sans ballon. Ça peut être avec ballon. Ok, pour le mental, il peut y avoir des séances sans ballon, mais avec le ballon, c'est aussi important. J'ai une autre question sur plus tactique. Ces dernières années, on a vu des évolutions, les latéraux qui ont eu un rôle bien plus important, le rôle de 6, de sentinelle qui vient compléter la défense centrale pour permettre aux latéraux de monter. D'après vous, quelle est la future évolution? Est-ce que c'est possible un jour de voir notamment cette sentinelle remonter et d'arriver à défendre à 2 en phase offensive? Cette notion d'équilibre-là, comment on va pouvoir arriver à créer ce surnom, parce que finalement tout le monde s'est adapté à cette manière. Moi, j'aurais pas la prétention de non, trouver. Non, mais vous avez peut-être une idée. Mais il y aura toujours des systèmes qui sont assez cycliques. Finalement, on va peut-être revenir à quelque chose de plus basique. Mais aujourd'hui, l'apport des latéraux est très important. Pour moi, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. Moins, j'ai toujours entendu. Mais je me souviens de. Enfin. Quand j'ai commencé à suivre vraiment le football, pas aussi haut. Moi j'ai connu pas aussi haut. Qui manquait beaucoup. Non mais ils sont latéraux opposés qui venaient. Non mais ils sont importants. Ils ont toujours été importants dans le football comme tous les postes. Mais un latéral il y a 5 ans ou 6 ans était en position beaucoup plus basse au départ du jeu. C'est-à-dire que maintenant au départ du jeu ils ont gagné 10 à 15 voire 20, 15 mètres ou 20 mètres. Donc ça veut dire que par rapport à ça, il y a une évolution des excentrés qui doit être différente, parce que maintenant on ne touche pas forcément un excentré pour prendre la profondeur, on touche surtout un excentré pour qu'il rentre à l'intérieur et qu'après il prenne la profondeur. Donc il y a cette évolution-là, et il y a le 6 qui aujourd'hui vient en position de troisième défenseur pour faire relancer, pour éviter le pressing adverse. Donc voilà. Ouais, je trouve qu'il n'y a plus non plus de vrai milieu droit ou de vrai milieu gauche comme c'était le cas il y a 10 ans. Et c'est aussi pour ça que comme les joueurs offensifs de couloir sont plus hauts, et on ne peut pas laisser 50-60 mètres entre l'ailier droit et l'arrière gauche. Ouais. J'ai obligé que l'arrière gauche soit plus haut pour combler un espace vide. Mais au final, c'est aussi un ensemble. Si on monte demain une équipe pour jouer réellement en 4-4-2. Avec des vrais milieux gauche et vrais milieux droit, je pense que les latéraux vont être aussi plus bas au départ du ballon. Oui, vont être plus bas, mais aujourd'hui, vous pouvez très bien... aujourd'hui, on dit on veut gagner le match, on veut jouer offensivement, mais vous pouvez jouer 3 attaquants, 4 attaquants, là, vous n'allez pas forcément gagner le match et pas être plus offensif que si vous êtes peut-être un peu plus bas et en partant de derrière avec les qualités. Je prends l'exemple du match Monaco-Porto. Porto gagne 3-0 avec un bloc compact là, mais par contre chaque fois qu'ils sont sortis, c'était un modèle de jeu vers l'avant. Et on peut pas dire que ce soit un football offensif. Oui. Mais d'ailleurs c'est le nouveau football, ça, le football qui va très très vite avec peu de possession. Finalement on laisse la possession aux grosses équipes. Aujourd'hui le plus important c'est même pas l'utilisation. Puisque pour moi le plus important c'est ce que votre équipe fait à la transition entre la perte et la récupération, ou entre la récupération et la perte. C'est-à-dire que dès que vous perdez le ballon, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous les récupérez, qu'est-ce que vous faites? Oui. Parce que c'est aussi là que vous allez mettre l'équipe en danger. Bon, après, si vous avez une équipe comme Paris, avec des talents de partout, vous pouvez vous permettre, dès la récupération, de faire tourner. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est lié au fait que les équipes soient mieux préparées. On a l'impression qu'il n'y a plus une équipe qui commence un match sans savoir exactement comment fonctionne l'adversaire. On a l'impression que quand la phase d'attaque met trop de temps à se mettre en place, ou que l'équipe en face s'est replacée trop vite, on est quasiment sûr que l'action n'ira pas au bout. Ouais, c'est quasiment l'effet que ça donne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec tous les médias, avec tout. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quand vous rencontrez un adversaire, vous avez vu les 4 derniers matchs, vous savez comment ils attaquent, vous savez ce qu'ils font dans leur position offensive, c'est ce qu'ils font dans leur position offensive, vous savez comment ils sont placés sur les touches, comment ils sont placés sur les corners, vous savez à quel endroit ils récupèrent le ballon, à quel endroit ils le perdent. Donc, il y a beaucoup moins d'incertitudes. Ah oui. Qu'il y a ça, 15 c'est... ou 20 ans, et du coup, ouais, c'est... Ça, je me suis. Ouais, ok. Mais c'est vraiment fait. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on sait vraiment, quand vous étiez coach à Sion, vous jouiez par exemple balle, vous saviez que les trois quarts de leur ballon, ils les perdaient dans telle zone, dans telle situation, etc. L'animation vidéo, c'est vous qui la gériez? Ou c'était quelqu'un qui était à temps plein? Non, j'avais quelqu'un qui faisait les montages, mais moi, je regardais toujours deux matchs. Et des deux matchs donnent une ligne directrice, et que je disais voilà, moi je veux voir ça. Donc après dans la personne qui fait ça regarde 3-4 matchs et sort 4 images pour montrer aux joueurs. Ça prend on va dire une demi-heure, voilà, mais vous savez exactement. Donc ça veut dire que vous pouvez travailler sur le terrain, ou travailler en mise en place la veille du match, ou savoir vraiment en match quoi faire. Et les joueurs ont vraiment la capacité de se souvenir, parce que ça me fait penser un petit peu au... C'est pas la capacité de se souvenir, c'est aussi de savoir, vous, dans la composition d'équipe que vous allez mettre, quel joueur va être le plus performant dans le système pour aussi mettre en danger l'adversaire. Alors, ça me fait penser à autre chose. Ça rentre un petit peu en psychologie que les entraîneurs aujourd'hui, bien plus qu'avant, sont toujours en train de s'adapter à l'adversaire. Alors, je me trompe ou pas, j'ai l'impression qu'à une époque, il y avait un 11, le 11, il commençait, on jouait d'une telle façon et ça suivait toute la saison, peu importe qui on jouait. Moi, j'ai pas dit que je m'adaptais à l'adversaire. J'ai dit que si je vois une faille de l'adversaire, je vais tout faire pour l'enfoncer, la faille. Oui. C'est donc pas m'adapter. Un peu. Ah non, je m'adapte pas. Mais c'est pas s'adapter aux forces, c'est s'adapter aux faiblesses. Dire par exemple, j'ai dit une bêtise, mais si leur défense centrale, je prends pas l'exemple, est lente, très très lente. Tout à l'heure on parlait un peu de, quand on a commencé, on parlait un peu de femmes. Si vous voyez une belle femme et que vous savez qu'elle aime quelque chose, vous allez lui amener ça. Non, mais j'ai l'impression que ça fait partie aussi de l'évolution. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je suis coach et que je joue contre Bordeaux et que dans mon équipe j'ai un attaquant très rapide et qui a un petit peu de ballon, je vais le mettre au milieu et je lui dis tu joues sur tout l'allant et t'accélères. Et je pense que je vais pas me trop tromper dans le fait que je risque d'avoir des situations. Si, alors aujourd'hui dans le football, on mettait toujours le même. Aujourd'hui dans le football professionnel et dans le haut niveau, à peu près, ça passe plus. Donc vous êtes obligé de bosser. Non mais c'est ça, c'est vrai. Vous êtes obligé. Avant, oui, on pouvait faire un match. Et je dis pas que quand le seul souci, c'est que vous préparez votre match, vous dites la faiblesse. Elle est là de l'adversaire. Mais l'adversaire, il travaille aussi sur ses points faibles. Donc il va se dire, moi, mon point faible est là, je vais changer. C'est. Possible pour 40 ans. Mais c'est. Non, mais ouais. c'est un boulot qui est. Je veux dire, la différence entre joueur et entraîneur. En joueur, vous êtes 50% à plein temps, je veux dire. Mmh. Et en tant qu'entraîneur, vous êtes à 130. Ouais. C'est en faisant combien d'heures à peu près Non, mais vous n'en sortez jamais. Si vous êtes passionné, vous n'en sortez jamais. Tous les jours, H24. Vous n'en sortez jamais parce que vous gagnez un match, vous allez en gagner l'autre. Vous en perdez un, il faut retrouver les leviers pour là. Et puis, je dirais que c'est une drogue. Vous êtes dedans. C'est compréhensible alors pour vous. On entend souvent parler du cycle d'un entraîneur de 2-3 ans dans un club. C'est là la rupture pour. Je pense que. La rupture physique, peut-être, la rupture mentale. Non, mais. Par rapport à l'entraîneur, oui, et par rapport aux joueurs, au groupe de joueurs, où il y a un renouvellement des joueurs qui est fait, parce que vous êtes tranquille pendant 3 mois encore. Non, mais c'est beaucoup dans le dialogue, c'est beaucoup dans la parole, donc à un moment donné, c'est comme si je vais faire un schéma, c'est très schématique ce que je veux dire, mais c'est que si vous gueulez toujours après vos enfants, là à un moment donné, vous entend plus. Mmh. C'est vrai que si vous parlez pas, et puis qu'à un moment donné, et à un moment donné, je pense que le discours, la méthode, ce que vous transmettez, ça passe pas pour moi bien. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on coach une équipe, on s'inspire des méthodes de management qui sont hors sport? Par exemple, aujourd'hui, dans une entreprise, un manager, il a plutôt tendance à essayer de savoir sur quel axe il va pouvoir... motiver une personne, sur quel axe la personne est plutôt en attente de récompense, et les axes qui feront rien. Est-ce qu'aujourd'hui on utilise les mêmes techniques pour apprendre à connaître ses joueurs, ou c'est on reste plutôt dans la partie football? Non, on est obligé de... Je me vois mal un coach arriver, faire remplir un petit questionnaire de personnalité à ces personnes, ou faire un point 1-1 avec 9 images en demandant aux joueurs, vas-y, tu me tries les 9 images pour savoir quels sont tes axes... Non, mais à force de côtoyer vos joueurs tous les jours, le matin, là, dans différents comportements, dans la défaite, dans la victoire, dans la blessure, dans la perte de confiance, dans la confiance. Vous savez, il y a un être humain qui peut être tactile, qui peut être par la visu, il peut être par le sensoriel. Donc vous ne l'abordez pas forcément pareil. Et ça se ressent. Un gars qui, je veux dire, rien qu'une attitude à l'entraînement, un contrôle raté, vous allez, parce que le jeu vous énerve un peu, parce que ça joue pas bien, vous allez le brusquer, l'engueuler. Si dans les 10 minutes après, vous le voyez plus sur le terrain, qu'il se cache, vous savez très bien que lui, il faut plutôt l'encourager, même s'il a fait une erreur, pour essayer de le remonter en haut. Par contre, si le même joueur à côté, il fait la même erreur, vous le bougez, et que là, pendant les 10 minutes, ça devient un lion, vous savez que lui, il faut lui rentrer dedans pour le faire avancer. Donc, oui, ces leviers sont individuels pour amener au collectif. Mais je vais pas dans un bureau, ça se passe sur un terrain. Est-ce que c'est le rôle du recruteur aussi quand est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont demandées aussi quand vous êtes coach et un recruteur? On peut dire je veux tel genre de joueur, tel profil pour un attaquant ou un milieu, mais est-ce que le caractère entre aussi en compte? Oui, je pense. Le caractère, la mentalité. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut observer, il faut vraiment observer tout ça pour que ça soit quelqu'un qui, comme on disait, caractère ou pas caractère, mais quelqu'un qui rentre dans un cadre, qui est capable de s'adapter à un cadre collectif de haut niveau. Une de mes... tiens, toujours 2-2 entre Monaco et Lyon, et on parlait de Lens avant le match. Lens, ils sont allés mettre 6-0 à Bourg-en-Bresse, ouais. Et du coup je me demande si avec ça ils sortent pas de la zone de... il y a eu gavé de buts en Ligue de Sort, c'est la folie. Juste une dernière question parce qu'on a déjà dépassé, c'est passé très très vite. On parlait de la difficulté au quotidien d'entraîneur, sélectionneur, ça, si on vous propose une sélection. Ouais, parce que c'est, là pour le coup c'est plus au jour le jour. Il y a quelques temps j'aurais dit non. Aujourd'hui, pourquoi pas. Après, je pense que ce qui pourrait me manquer, c'est vraiment d'être au quotidien avec les joueurs. Voilà. Après, c'est ça. Ça dépend de la sélection. Genre, je pense aussi, par exemple, c'est la France, vous n'allez pas dire non. Ah bah évidemment. C'est le Gabon, évidemment. La France, mais bon, ça peut être la Suisse. On va être réaliste quand même. Ça peut être la Suisse. j'aime bien regarder en haut, mais bon, j'essaie d'être réaliste aussi. Donc non, mais voilà. Après, il y a des pays qui peuvent être intéressants, même si c'est l'Afrique. Il y a des nations africaines qui sont intéressantes en tant que sélectionneurs. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Mais ça dépend du président. Oui, mais ça reste du président du pays. Ça reste. Ça va être les joueurs que vous allez coacher. Non, c'est les joueurs et c'est surtout les structures. Pour faire du bon boulot, faut avoir des structures, faut aller avoir un peu de moyens, faut être un peu cohérent dans ce que vous faites. Il y a des pays là-bas où c'est un peu le. Les États-Unis, ça peut. Des trucs où il y a de plus en plus de joueurs qui partent. Mmh. C'est que le football, c'est pas le sport dominant, mais c'est un pays qui a beaucoup de moyens. Parce que ouais, moi je coacher là-bas, ça peut être intéressant. Alors, encore une fois, il y a des moyens. Je veux dire, on veut tous gagner bien sa vie, mais c'est surtout un projet. Je veux dire. Je parlais plutôt moyen dans le sens oui. Centre de formation développé, il y a des stades, c'est. Il y a des ferveurs quand même très particulières autour du sport là-bas. Donc. Oui, mais voilà. S'il n'y a pas la feeling avec les personnes. Ah, après, non, mais aujourd'hui, j'ai envie de. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai pris mon temps. Voilà, peut-être que j'aurais besoin d'encore plus de temps parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs sur le marché. Mais oui, j'ai envie de reprendre. Mais que ça soit. Je suis pas fermé. Je suis parti en Suisse. Je suis déjà. Voilà. Je suis pas fermé à la France. Je suis pas fermé. C'est votre agent qui gère ça ou. Non, ça vous dépasse un peu et vous êtes plutôt. Aujourd'hui, on est un peu obligé de s'y mettre, je veux dire, dans la communication, dans tout ça, parce que j'ai l'impression que, ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'ai l'impression que parce que tu es à Canal et que tu es à Bein, tu es un bon entraîneur. Après, c'est facile, hein. Je dis pas que ils sont pas compétents, bien au contraire. Mais c'est toujours plus facile derrière un ordinateur avec du recul de prendre une décision, de changer ou de faire une tactique que d'être en instantané sur le terrain où il faut prendre une décision en 2 minutes. Après, il suffit juste d'être sur le plateau avec Julien Cazard et ça aide. Alors, c'est marrant, tous ceux qui se font dégager un par un, ils finissent tous consultants à Canal. D'ailleurs, Cazard, il avait fait, en parlant de Bielsa ou je sais plus qui, il a dit lui, bientôt il a déjà son contrat, il est prêt, il a juste à signer en bas et c'est bon, c'est fait. Mais moi je suis plutôt voilà aujourd'hui je suis quelqu'un qui est assez discret un petit peu dans la vie, si ça vient puis j'y pense deux minutes. Julien Cazard, c'est quand même quelque chose qu'on voyait pas trop avant ou différemment. On avait les Gérard Dor ou je sais pas trop quoi, c'est ça, les Marcel Dor, garçon avec la Guy. Est-ce que ce côté totalement décalé, humoristique, sur le chambrage, etc., ça vous plaît parce qu'on dédramatise le foot ou ça vous plaît pas trop parce que... Non, sincèrement, moi j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien parce que c'est une manière de se moquer un peu de tout. voilà. Après, ce qui me gêne le plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'agressivité au niveau de la critique et voilà. Je veux dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour être bon, il faut critiquer. Disons que, alors, c'est tout bête, hein, mais nous, on s'en rend compte aussi, alors à moindre mesure que des grands médias nationaux dans cette émission, les gens sont beaucoup plus, interviennent beaucoup plus dans l'émission quand ça va mal oui. que quand ça va bien. Oui. Là, depuis le début, franchement, depuis... Je peux vous dire qu'en 8 ans, on a connu des... Et l'émission, l'émission a commencé juste après Laurent Blanc, donc autant dire qu'on en a eu non, des... Non, pendant Laurent Blanc. Pendant Laurent Blanc. C'est juste non, au moment où ça se casse la gueule. Mais... Moi, ce que je dis juste, c'est que même quand ça va bien, aujourd'hui, il faut trouver la petite bête qui va pas trop. Oui. Oui, c'est comme à Paris. Ah, oh, Cavani et Neymar, ils se sont disputés un péno. Ouais, aujourd'hui, on ne peut plus aimer, tout simplement. La passion, c'est compliqué d'avoir la passion et de transmettre la passion. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Tu l'as ou tu l'as pas après. Oui, non, mais bon, après l'amour d'un club, l'amour d'un métier, l'amour du football, ça passe avant la critique aussi. Après, je ne suis pas du tout là pour faire du lobbying. Moi, j'ai passé 2 ans à Bordeaux. J'ai eu un rapport particulier avec ce public. Voilà, parce que il y avait quelque chose, peut-être aussi parce que je me battais, je lâchais rien, je faisais certainement beaucoup plus d'erreurs qu'un autre, mais je lâchais rien. Mais voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est dans la société aussi. Hein, dans la société, aujourd'hui, vous aviez un boulot, vous finissiez votre vie avec un boulot. Aujourd'hui, dans votre vie, vous en avez peut-être 2 ou 3. Vous étiez à un endroit, vous finissiez votre vie à un endroit. Et bien aujourd'hui, au niveau du football, c'est un peu la même chose. Hein. De toute façon, c'est à l'image, oui, de la société, voilà. et puis de la vie. Tiens, c'est une belle façon de conclure parce qu'on a déjà pas mal débordé, on a un petit peu abusé de votre temps. Merci beaucoup, merci Didier, à vous, d'avoir été avec nous pendant 7h15. On a un peu débordé. On va vous souhaiter le meilleur pour la suite. Un poste très bientôt sur un banc en France. Ça serait, pour nous du moins, ça serait plutôt plaisir de vous revoir sur un banc en tant qu'entraîneur. Et pourquoi pas, qui sait, un jour, des Girondins de Bordeaux. Allez savoir. Tout peut se passer. Dans la vie. Ah, on a eu. Je vais d'abord aller voir mon premier match dimanche à Matmut. En espérant une petite victoire. Un petit pronostic rapidement, tiens, sur ce match. Non, ça va être costaud. Non, mais je veux une victoire de Bordeaux. Une victoire de Bordeaux 2-0. Ils auraient pu vous proposer de donner le coup d'envoi quand même. Ça aurait été génial. Je serais tranquille. Je vais pouvoir observer le match d'en haut, ce sera très bien. Ça aurait été magnifique. Voilà, on va faire la pause. Encore merci Didier. Merci pour la continuation pour la suite. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, si la technique le permet, pour la suite de l'émission ou pas, on verra. Pause et on revient tout de suite dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. A tout de suite. Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Girondin Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.